Musique. Mon nom est Simon Roy, je vais vous accompagner pour la prochaine heure. Cette semaine au programme, comme à l'habitude, de la bonne musique que vous pouvez télécharger gratuitement. Ce soir, musique assez tranquille. J'ai été au festival Suoni per il Popolo hier à Montréal, à la Sala Rossa, puis je me suis fait détruire un peu les oreilles, donc j'ai décidé de trouver des trucs un peu plus tranquilles pour me reposer. Donc, on va débuter avec une première demi-heure à tendance post-rock. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Je vais vous inviter à mettre le son dans le piton, ça vaut vraiment la peine. Donc, on va débuter avec un artiste de l'Ukraine du nom de 116. Je vous fais passer sa pièce Stereo Vomiting. C'est sur Larry Day. Puis ensuite, sur Mine All Mine Records, le groupe Saiga. Des membres, je crois qu'ils viennent de l'Angleterre et de la France. Je vous fais passer leur pièce Considine. Donc, c'est ça, on débute tout de suite Web Music avec 116. Thank you. C'était Seiga avec la pièce Considine, donc un groupe qui vient de l'Angleterre et de la France. C'était publié sur Mine, All Mine Records. Puis on avait débuté Web Music avec un groupe qui vient de l'Ukraine qui s'appelle 116. C'était publié sur Larry Day, donc 116. On entendait leur pièce Stereo Vomiting. Vous êtes toujours à l'émission Web Music. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Vous vous rendez au www.webmusic.org pour télécharger tout ça. Donc, c'est très facile. Quelques liens à cliquer et vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Donc, on va poursuivre encore avec de la bonne musique. Un groupe de l'Argentine qui s'appelle Hemisferio 3100. Je vous fais passer la pièce Desidera. Sions. Donc, ensuite de ça, ça va être suivi d'un Américain du nom de Nick Bomarito. Je vous fais passer sa pièce Better Than Way To Post Rock. Donc, ça, c'est publié sur 12 Rec. On écoute tout de suite Hemisferio 3100. Thank you. Du 8 au 18 juillet, au Festival d'été de Québec. Santana, Iron Maiden, Rammstein, Roger Hudson et les grands événements Desjardins. Rush et Gilles Vigneault. Plus de 150 spectacles pour seulement $50. Procurez-vous votre laissez-passer lumineux Hydro-Québec sur hydrofestival.com. Le Festival d'été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Molson Dry et CKRL, la radio culturelle. De retour à Web Musique, donc la première demi-heure était consacrée au post-rock, musique assez planante. Tout juste avant la pause, on entendait l'Américain Nick Bomarito avec sa pièce « Better Than We to Post Rock ». Avant ça, c'était un groupe de l'Argentine du nom de Hemisferio 3100 avec leur pièce « Desideration ». Ça, c'était un album qui était autoproduit par le groupe, donc vous pouvez télécharger tout ça, c'est très bon. On va poursuivre cette fois-ci avec musique plus tendance électronique. On va entendre tout de suite Elonious Funk. C'est un artiste qui vient de Vancouver. Il publie sur une étiquette bulgare du nom de Dusted Wax Kingdom. Si vous écoutez l'émission, vous pouvez voir que je fais souvent passer des artistes qui sont sur Dusted Wax Kingdom. C'est parce que c'est pas mêlant, c'est toujours bon ce qu'ils ont à offrir. Donc ensuite de ça, sur un net label italien du nom de A Quiet Bump, je vous fais passer Stefano Cocciolo. Je fais passer sa pièce Transglobal. Donc, pour tout de suite, on écoute Elonious Funk. We'll be right back. pièce assez hypnotique par Stefano Cucciolo. La pièce s'appelle Transglobal. C'est publié sur A Quiet Bump, un net label italien, qui est excellent. Ils ont vraiment beaucoup de matériel. Allez faire un tour sur leur site. Vous ne serez pas déçus. Ils ont vraiment des trucs qui sont vraiment intéressants. Donc, avant ça, c'était un artiste de Vancouver du nom de Elonius Funk. C'était sa pièce Valleys of the Sun. Donc, ben c'est ça, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL, vous écoutez l'émission Web Musique, puis on va poursuivre avec un artiste qui vient de la Sardaigne, qui remixe donc un artiste qui vient de l'Italie. L'artiste de la Sardaigne s'appelle Arugala, qui remixe Peak, un artiste qui donne dans le dub, un artiste vraiment excellent. J'aime vraiment tout ce qu'il fait, c'est toujours planant, toujours un petit goût d'été dans ses trucs. Donc, tout ça, c'est accompagné par Mademoiselle Claudia Carreras, donc une demoiselle qui a une très belle voix. Donc, la pièce s'appelle Train to Triplen. Puis ensuite de ça, ça va être suivi de Jask ZCR, c'est un russe, donc avec sa pièce Ostensibility. Ça, c'est publié sur Bombfoot. Pour tout de suite, Arugala Remix Peak. Thank you. Excellente pièce de Jask ZCR, donc un artiste russe. C'était la pièce Ostensibility. C'était publié sur Bombfoot. Je crois que c'est leur 145e album de publié. Donc un net label vraiment productif. Ils ont toujours plein de trucs qui sortent toujours de l'ordinaire. Donc aller faire un petit tour de leur côté, ça vaut vraiment la peine. Avant ça, publié sur LCL Net Label, c'était Arogala Remixes Speak. Donc, c'était la pièce Train to Tripland. Donc, c'est ça. Moi, il me reste seulement une pièce pour terminer l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger tout ce que vous entendez. Il y a même la balado-diffusion qui est disponible. Donc, ça vous permet d'écouter l'émission en tout temps au moment où est-ce que ça vous plaît. Donc, rendez-vous au www.webmusique.org. Vous avez accès à tout ça sur le site. Donc, c'est ça, je vais vous laisser sur une pièce de la berlinoise Zoe Lila. C'est sa pièce Ugly, c'est publié sur une compilation du netlabel Cologne Commons. La compilation 5, je vous invite à la télécharger, c'est vraiment bon. Donc, c'est ça, on se laisse sur la pièce Ugly de Zoe Lila. Bonne nuit sur les ondes de CKRL. Votre station s'est mise à l'heure du web. CKRL.qc.ca. Mettez à jour vos signets et allez nous faire une visite virtuelle. Tous les matins de 6h à 7h, réveillez-vous en français au 89.1. En français d'abord, c'est un voyage au cœur de la musique francophone. Se lever du bon pied, c'est un fait français à CKRL. Écoutez le 89,1, la radio culturelle à Québec.